Chwam gason se pou mwen, se la tan pwen repoum. Wigen de mouman, bel ti pou mnen dan nou ton. Oui, ma pril le bon Dieu, pou msa vin gwa bebe. Ti parol tou piti, tan mi vwazinaj, pyes pou n pa tande. Telma kares la douce, ti moun vwazinaj, pyes pou n pa tande. Som se pou mwen, se la dam pwa repoum. Wigen de mouman, bel ti pou mnen dan nou ton. Wi ma pril le bon Diyo, pou msa vin gwa bebe. Ti pa wol tou piti, pa mi vwazinaj, nyes pou n pa tande. Tel ma kares la tous, ti moun vwazinaj, nyes pou n pa tande. Wi ma rele, bon Diyo nan siel, si nan pwen gason isi. Yo bel ti fi men ta kou jislem, son fam kap karesel. Wi ma rele, bon Diyo nan siel, si nan pwen gason isi. Yon bel bebe men ta kou jislem, men son fam kap karesel. Nan peyi pam, nan pwen bagay konsen. Peyi fam pa komande, yon pa komande, yon pa komande. Peyi pam, fam pa komande. Ay se fam, ma se fam, ma se fam, se fam. Peyi pam, fam pa komande. Koupe ge fam, veni to ge fam. Peyi pam, fam pa komande. E pos pe ge fam, seleste ge fam. Peyi pam, fam pa komande. Andre se le ge fam, netan bien ge fam. Peyi pam, fam pa komande. Ay bel ri ge fam, tika mo ge fam. Peyi pam, fam pa komande. Sange fam, peyi pam, fam pa komande. Peti plange fam, e bel rive fam. Peyi pam, fam pa komande. Yo pa komande, yo pa komande. Peyi pam, fam pa komande. Benito gen fam, me coupe gen fam. Peyi pam, fam pa komande. Yo pa komande, yo pa komande. Peyi pam, fam pa komande. Ay lole lole. Peyi pam, fam pa komande. Se fam, se fam, se fam, se fam. Peyi pam, fam pa komande. Se premye fwa m tande parol konsa. Peyi